en est fini, tu joues sur le feu. Je ne suis méchante que dans tes beaux yeux. On n'a pas changé, c'est toi, toi tu dis pas ce que tu veux. On a de la chance d'être là, tu sais mon temps est précieux. On n'a pas flanché, c'est moi, je vais te faire des aveux. Je sais c'est chaud d'être toi, mais être moi c'est pas mieux. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu pas de longs discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour. Quelle vie tu mènes, le bonheur, les problèmes. Quelle vie tu mènes, le bonheur, les problèmes. Cherche pas entre nous, c'est magique. Mais y'a de la peine des fois. Chez nous on dit pas je t'aime par sympathie. Ouais, c'est avec amour les efforts. J'avais de la haine mais elle est vite partie. Ouais. Quand j'ai fumé le pet du soir, t'es le meilleur, c'est ce que ma maman dit. Ouais, alors j'mets le feu. J'mets le feu quand j'suis sur la scène. J'arrive en claquette dans le showcase. Comme si j'étais seul sur la terre. Comme si j'n'avais jamais sommeil. Quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes. Je vais mettre le feu comme Tony, je fume un pet sur les démons de minuit. Moi je sais pas danser comme Tony, je reste dans mon coin quand je fais l'alcoolique. Je m'en fous de tout, je suis ailleurs. Je m'en fous de toi et de lui. Et quand je suis bien, il me souhaite leur malheur. Mais moi je suis au top dans ma vie. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu pas de long discours. Et là je prends. J'ai des envies d'été, je ne serai plus endetté. Je ne voulais pas te jeter, mais les gars ont des envies d'été. À 4 ans, je suis occupé, tu me trouveras pas sur le canapé. Non, maintenant que je pars, tu n'es plus une priorité. Quelle vie que je mène, quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes. Le bonheur, les problèmes. Quelle vie que je mène, quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes. Le bonheur, les problèmes. Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour. Et dans la liste de mes fautes de parcours. Tu connais, mais le feu pas de longs discours. Et là je prends l'air, on ne joue plus dans la même cour. Thank you.